France Inter. Pays de montagne, posons la question « Que sais-je ?» et choisissons de ne pas dévier le regard, d'oser ausculter ce qui réveille une fois encore les fièvres bellicistes des religions lorsqu'elles sont instrumentalisées, de démonter les ressorts sur lesquels ces emballements reprennent leur ouvrage exterminatoire. Oui, au pays de la Boétie, cherchons de quel limon se nourrit ce consentement à la suprématie d'un seul, lointain, sans vertu. À quoi tient cette obéissance aveugle? Sur quoi repose cette servitude volontaire qui conduit tueurs et kamikazes à tant obscurcir le jour, nos jours, leurs jours? Oui, au pays de Simone Veil, refusons de voguer à la surface des choses. Il faut fendre les flots et s'aventurer dans les eaux tumultueuses jusqu'au cœur du tourbillon. Il faut percer, mesurer, atteindre l'œil du cyclone pour en connaître l'intensité. Il faut prospecter les contradictions, les faire rendre gorge, débusquer les vides qui servent de grotte à ces déviances sanguinaires. Bonsoir Christiane Taubira et merci beaucoup d'être à l'heure bleue pendant toute cette heure. Vous avez reconnu un court fragment de votre dernier ouvrage « Murmure à la jeunesse » et nous allons commencer comme chaque soir avec de la musique. Nous vous connaissons comme amatrice de jazz. Vous aimez beaucoup Sarah Vaughan, Billie Holiday et bien d'autres. Eh bien nous, c'est un jeune homme mais vous les aimez aussi beaucoup. Écoutez Gregory Porter. You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. But I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion, our love is not for real. The weather's fine, but in your mind you need that flair, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your scheme. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, boom, boom, boom, boom. Ba-dum, ba-dum, boom, boom, boom, boom. Ba-dum, ba-dum, boom, boom, boom, boom. Fadum, fadum, fadum, fum, fum, fum, fum, fum, fum, fum, fum. Fadum, fadum, fum, fum, fum, fum. Fadum, fadum, fum, fum, fum, fum. Fadum, fadum, fadum, fum, fum, fum, fum, fum, fum, fum, fum. Et vous connaissez Gregory Porter, Christiane Taubira? Bah oui, en plus il fait un joli chemin depuis le succès de 1960 Watt. Il a vraiment, vraiment tracé un vrai sillon. Il a vraiment trouvé son style. Il a une voix extraordinaire. C'est une des révélations de ces dernières années. Oui, mais je sais que vous allez beaucoup au concert. Ah oui, au concert, au théâtre, à l'opéra, au cinéma. Oui, j'aime tous les arts. Au musée, aux expositions. Oui, oui, je vais. Depuis quand vous êtes-vous... Je gave. Depuis quand vous vous gavez? Depuis quand vous êtes-vous aperçu de la beauté du monde? Et est-ce que la beauté du paysage de votre enfance a été le détonateur de ce goût de vivre que vous avez, Christiane Taubira? Très probablement à mon insu, parce que j'ai grandi à Cayenne jusqu'au baccalauréat, donc très probablement à mon insu, même s'il était difficile de circuler en Guyane, parce que le territoire était encore plus enclavé qu'il ne l'est actuellement, donc il était difficile d'aller à l'intérieur, le long du littoral d'une part, et bien entendu dans l'hinterland du pays. Donc c'était, voilà, je n'ai pas beaucoup vu le territoire, mais enfin il y avait la plage à 5 minutes à pied de chez moi. L'Amazonie, c'est un environnement côtier très très mouvant. Hein, il y a des cycles d'envasement, d'apparition de palétuviers, qui sont de véritables frayères pour des oiseaux et des crustacés. Et puis, la vase se retire, la mer revient. Alors, la mer se retire et la vase réside le long des rivages pendant plusieurs années, 5-7 années. Et puis ensuite, la vase se retire et la mer revient. Donc voilà, c'est un paysage extraordinairement vivant et j'ai grandi. Changeant. Oui, oui, oui. Et c'est votre mère qui vous a appris à regarder ce que vous aviez devant les yeux? Sans doute ma maman s'est beaucoup consacrée aux autres. Elle nous a éduqués essentiellement par imprégnation, par oukase aussi, je dirais. Il y avait des principes, ils étaient intangibles. Et je crois que son regard sur le monde, son regard sur les autres, son empathie vis-à-vis de toute personne en difficulté ou non, mais principalement en difficulté, tout cela donne une sensibilité particulière. Je crois que ça cisèle vraiment. Si elle s'occupait tant des autres, c'est peut-être parce que, justement, elle a eu elle-même un parcours difficile. Je crois qu'elle a commencé comme femme de ménage et qu'ensuite, elle a essayé et réussi à devenir aide-infirmière, puis infirmière, etc. Donc, elle était infirmière dans l'âme. Oui, en tout cas, elle était disponible aux autres. C'était chez elle une philosophie, une éthique, une morale. C'est un art de vivre même chez elle, disponible aux autres. Et d'ailleurs, quand parfois autour de moi j'entendais mes tantes qui lui faisaient des reproches parce que elle était constamment à la disposition des autres et un peu moins souvent chez elle, et je me souviens l'avoir entendu dire, mais quand on s'occupe des autres, le bon Dieu prend soin de ses enfants. Donc, mais ceci étant, elle veillait sur nous et elle était d'une sévérité, j'allais presque dire, sans limite. Mais c'est vrai, elle a perdu elle-même sa maman très tôt. Elle était aînée, donc elle a dû renoncer à l'école. Elle a eu son certificat d'études, mais n'a pas pu aller plus loin, alors qu'elle avait des capacités importantes, grandes, profondes. Elle avait un potentiel incontestable. Et moi, je me souviens, elle me faisait lui donner des dictées, elle me faisait lui proposer des problèmes en mathématiques, elle préparait des concours, elle passait les concours, elle les gagnait. C'est ainsi, évidemment, qu'elle a gravi l'échelle sociale. Avec beaucoup de courage, mais surtout des capacités phénoménales. Elle avait une culture extraordinaire. Ma maman me parlait de... Je pense qu'elle a contribué effectivement à former mon goût des belles choses, de la beauté du monde, mais aussi de ce que les êtres humains apportent comme beauté dans le monde. Et votre père ? Il n'est pas grandi avec mon papa. Mais vous étiez obligée d'aller le voir. Nous étions obligés d'aller passer un dimanche par mois chez lui. Voilà, j'en retiens à la fois une corvée, mais également aussi un moment de liberté, parce que c'était un moment où je pouvais donner libre cours à mes insolences sans prendre systématiquement de claques. Et cette atmosphère de matriarcat a été importante ensuite pour votre itinéraire personnel ? C'est vrai que j'ai découvert très tôt, j'étais petite fille, lorsque j'ai compris la force des femmes, lorsque j'ai compris la nécessaire solidarité entre les femmes. Ma maman était un pilier, hein. Chez nous on appelle ces femmes-là potomitans, c'est-à-dire qu'on considère que c'est vraiment le pilier central qui fait tenir la maison. Une femme d'un courage absolument inouï et d'une générosité sans borne, vraiment. Elle avait par exemple recueilli la mère de mon père alors que mon père ne vivait plus avec nous. Elle a pris complètement en charge alors qu'elle n'avait que son revenu, qu'elle avait ses enfants. Donc elle avait ses propres contraintes. Elle a quand même pris à charge ma grand-mère et elle a hébergé ma grand-mère dans des conditions tout à fait correctes. Elle lui a fait place à la maison d'abord, ensuite elle lui a trouvé un logement qu'elle a pris en charge. Donc j'ai compris très vite la nécessaire solidarité entre les femmes. J'ai compris très vite que dans cette société, il fallait avoir une force intérieure carrément indestructible, hein, parce que ma maman, elle avait évidemment construit une famille monoparentale, donc elle nous les élevait seules, avec une très grande rigueur, avec beaucoup de joie aussi, avec une joie de vivre absolument inextinguible à la maison. Et elle tenait bon contre l'adversité, contre les injures, contre les allusions, contre l'exclusion, contre la stigmatisation. Elle tenait bon, elle ne se plaignait jamais, elle ne gémissait pas. Au contraire, elle était perfectionniste, c'était sa réponse. Être irréprochable, être exemplaire en tout, sur tout, pour tout. Et c'est ainsi qu'elle nous a éduqués à la fois par imprégnation et par occasion, vraiment. C'est-à-dire que nous avons sous les yeux une personne qui ne se pardonnait rien et en même temps une personne qui nous disait qu'il ne fallait rien se pardonner et qui nous expliquait que, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvions, nous étions responsables au sens où nous devions répondre de cette situation. En répondre soit en nous demandant quelles erreurs nous avions commises, quelles fautes nous avions pu avoir commises, qu'est-ce qui faisait que nous soyons dans cette situation, mais en répondre aussi au sens de nous en sortir, au sens d'être responsables de nous-mêmes pour nous dégager de cette situation ou de cette adversité. Vous étiez bonne en tout, très bonne même, Christiane Taubira, puisque vous étiez première partout, sauf en discipline. Ça vous est resté, ça? J'ai l'impression. Pourtant, ce n'est pas faute de sévices. Mais c'est vrai que, voilà, mais ça gâchait tout le plaisir. C'est idiot, j'en ris aujourd'hui, mais je dirais pas que j'en étais triste. Mais enfin, je trouvais qu'il y avait quand même une injustice à être constamment soit morigéné, soit menacé, soit même frappé, parce qu'à l'époque, c'était encore l'époque des châtiments corporels, parce que j'avais cette mauvaise note. La discipline s'appelait conduite. Alors que je n'étais jamais discourtoise, je n'étais pas impolie, je ne me serais pas permis de l'être, parce que ma maman m'aurait lacérée. Voilà, j'étais remuante, j'étais impertinente, pas insolente, impertinente en fait. C'est-à-dire que j'avais de la répartie, que... Voilà, j'ai beaucoup de vivacité et un goût particulier, je crois, pour la liberté de parole. Ambitieuse, je suis pas sûre. Hein. Non, je n'ai jamais été ambitieuse. Et je ne suis pas, aujourd'hui. Parce que quand vous avez fait des études en Guyane, qui étaient des études magnifiques, qui ont débouché sur un emploi de CDI au vice-rectorat de Guyane, vous en êtes contentée, vous étiez contente de signer ce contrat qui allait vous mettre à l'abri durant la totalité de votre existence, et c'est votre frère qui vous a dit « mais il n'en est pas question, il faut aller faire des études ». Oui, alors j'étais ravie de ce contrat parce que, d'abord, c'était une satisfaction du vice-recteur de l'époque, parce que c'était un emploi de vacances et il était content de la façon dont j'avais préparé la rentrée. J'ai juste fait quelque chose de très, disons, rigoureux, rationnel, organisé simplement, et ça avait fluidifié la rentrée et il m'avait proposé donc un CDI. Mais j'étais surtout contente parce que j'allais enfin pouvoir prendre ma part dans la prise en charge de mes petits frères et sœurs, que ma grande sœur et mon grand frère avaient recueilli après la mort de ma maman. Et je trouvais normal que je prenne ma part. Et effectivement, mon frère, qui avait recueilli 3 de mes frères, m'a dit « Non, tu vas faire des études, tu vas te débrouiller toute seule, on ne pourra pas t'aider, mais tu vas faire des études ». Dans la galerie des portraits de personnes que vous admirez, il y a Albert Camus. Nous allons l'écouter. C'est une archivina du 19 septembre 1955. Il va évoquer l'homme européen de cette période-là et le rôle de l'intellectuel. En somme, je rendrai ce que je veux dire clair en rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, que l'Europe qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins. Alors c'était en 1955, nous sommes en novembre 2016, qu'en est-il de l'Europe? Comment vous la voyez, cette Europe qui finalement est dirigée dans certaines de ses contrées par des personnalités de plus en plus extrémistes, de plus en plus populistes, de plus en plus hostiles à tous les étrangers, d'où qu'ils viennent? Comment vous voyez cette Europe? Est-ce que pour vous, Christiane Taubira, elle est définitivement sacrifiée sur l'autel à la fois du populisme, de l'indifférence et du néolibéralisme? Parce que je me souviens que vous aviez voté pour le non au moment des élections européennes. Justement, par attachement à l'idée européenne, j'estimais que ce projet de constitution, qui était en fait un texte très technique et qui n'avait rien à la fois de la force, de la puissance et de la dimension symbolique d'une constitution, était un mauvais virage. C'est bien que vous ayez fait parler Camus juste avant d'interroger sur l'Europe, parce qu'effectivement, on voit bien, comme vous l'indiquez, remonter de vieux démons. L'Europe a une histoire d'affrontement, de rivalité entre puissances européennes, parce que les empires coloniaux ont été des périodes où les puissances européennes se sont affrontées avec une très grande dureté. Et je pense que la violence des deux grands conflits mondiaux, de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, cette violence-là puise aussi dans les rivalités impitoyables que les puissances européennes ont connues pendant les empires coloniaux. Mais justement, la force de l'Europe a été, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été terriblement meurtrière, qui a été juste monstrueuse, inqualifiable, avec cette organisation industrielle de destruction d'êtres humains du seul fait de leur appartenance religieuse ou culturelle, avec la Shoah pour les Juifs, mais la déportation aussi de communistes, de résistants, de tziganes, d'homosexuels. Donc le refus de l'existence, l'éjection hors de la famille humaine de personnes pour des questions d'identité ou d'appartenance. Cette Europe-là a su, après la Deuxième Guerre mondiale, se projeter dans l'avenir et a conçu cette idée prodigieuse de la construction européenne, juste prodigieuse. Alors aujourd'hui, cette idée est battue en brèche, évidemment, parce que les voix qui s'élèvent sont des voix de peur, de couardise, de haine, de repli sur soi, d'individualisme forcené, d'égoïsme même, de fureur, de rejet de l'autre. C'est ce qu'on entend le plus, mais l'Europe est quand même une réalité. C'est une réalité physique, géographique, territoriale. C'est une réalité. De plus en plus menacée avec la sortie de l'Angleterre. Oui, bien sûr, mais nous avons vu aussi le découpage sociologique du vote en faveur ou contre le Brexit. Aucun pays n'est monolithique. Et il y a ce qu'on appelle la génération Erasmus, ces jeunes qui ont circulé, qui se sont rencontrés, qui ont fondé des familles avec d'autres citoyens européens et qui sont en fait le prolongement de l'Europe. Donc il faut arriver à reformuler l'idée européenne et c'est à la fois une nécessité en termes de création humaine. C'est une nécessité, mais c'est aussi une nécessité de survie pour l'Europe. Personne ne peut s'enfermer chez soi. C'est une imbécilité absolue et c'est un grand danger. C'est un grand danger. Donc notre devoir, c'est de rendre le monde plus sûr. Et pour rendre le monde plus sûr, il faut effectivement refaire vivre l'idée européenne. Parce que l'Europe, oui évidemment, c'est un marché. Oui évidemment, ce sont presque 500 millions de consommateurs. Oui évidemment, ce sont des tas de choses matérielles. Mais ce sont des tas de choses matérielles, y compris dans ce domaine-là, qui deviennent relatives. Sur le plan démographique, l'Europe va peser de moins en moins. Sur le plan aussi des richesses, l'Europe va peser de moins en moins. Donc si l'Europe ne fait pas fleurir ce qu'elle a produit en patrimoine culturel, artistique, en capacité créatrice, en écoute sur le monde, en aptitude à construire, y compris des édifices juridiques et judiciaire pour encadrer le monde, si l'Europe renonce à cela, elle ne sera plus rien sous peu, sous peu, dans 25 ans, elle ne sera plus rien. Donc les pays qui veulent se détacher, ils ne seront pas grand-chose, encore moins. Donc oui, il faut refaire vivre cette idée européenne, il faut lui redonner de la consistance, il faut lui redonner de la saveur, il faut lui redonner de la splendeur, il faut la rendre somptueuse. Et ça, c'est possible, ça n'est pas un rêve, c'est une possibilité, parce que vraiment, nous avons accumulé l'expérience de nous affronter. Nous avons aussi accumulé l'expérience de faire ensemble, d'agir ensemble, y compris dans la confrontation, les belles explosions artistiques et culturelles. Parfois, c'était des rivalités entre des courants de pensée, que ce soit philosophique, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans l'architecture. Il y a une émulation. C'est même pas de la rivalité, c'est une émulation. Et vous avez vu apparaître, évidemment, l'impressionnisme, l'expressionnisme, le naturalisme, le cubisme, le déconstructivisme. Vous avez toutes ces pensées des Lumières. Vous avez ce qu'on a appelé la République des Lettres. Voilà, c'est quand même une partie du monde où l'esprit a pu s'épanouir très très largement. Et mais ça, dites-moi, ça peut se retrouver. Vous parlez très bien. Pourquoi vous avez refusé la proposition de François Hollande après votre départ du gouvernement d'être la nouvelle ministre de la Culture ? Moi, je n'ai pas connaissance que le président de la République m'ait fait cette proposition. Nous allons écouter Jean Genet, que vous connaissez bien, que vous lisez régulièrement. Il va parler de son indignation face à l'arrestation du militant noir George Jackson. C'est une archive INA du 23 août 1971. Alors, le 13 janvier 70, donc, George Jackson avait été accusé d'avoir assassiné un gardien. Et le 21 août 1971, 3 jours avant son jugement, il avait été assassiné lui-même dans la cour de sa prison. Nous écoutons la réaction de Jean Genet. Jackson, c'était cet homme-là. Et cette imagination et l'espace parcouru étaient très réels, d'où il a rapporté des observations, des conclusions qui font la peau à l'Amérique blanche. Par Amérique, entendons encore l'Europe et le monde qui dépouille le reste, le réduit à être la main-d'œuvre infamante, colonie d'hier, néocolonie d'aujourd'hui. Jackson l'a dit. Il l'a dit plusieurs milliers de fois dans le monde entier. Il lui restait à dire encore des vérités insoutenables pour nos consciences. Pour mieux le faire entendre, la police californienne, je déconne. Le livre de Jackson dépasse de loin cette police, puisqu'il est lu, exalté, commenté, continué par des Noirs de 9 ans. À la société blanche établie sur le dollar et le travail infernal des sous-développés nécessaires à cette assise, il est possible qu'en succède une autre, calquée sur la précédente, et qui ferait du travail contraignant la seule vertu. Nous en attendons une autre encore, qui fera du travail libre, presque ludique, la seule réalité acceptable. Alors nous venons d'entendre la voix de Jean Genet, qui a été un très ardent défenseur de George Jackson et qui a essayé de perpétuer la mémoire de ce militant. Qu'en est-il aujourd'hui du poids du racisme dans notre société ? Je suis très frappée, Christiane Taubira, en relisant vos textes, et vous avez publié de nombreux livres qui d'abord sont magnifiquement écrits. On sent que vous aimez le verbe, que vous aimez les mots, que vous aimez le rythme. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éloquence dans votre langue d'écrivain. Mais je suis aussi très frappée de votre faculté d'indignation pour dénoncer ce racisme qui perdure. Oui, parce que d'abord, on sait d'où vient le racisme. Alors Jean Genet, ça nous rappelle aussi Victor Hugo qui avait pris position pour John Brown et qui avait supplié les États-Unis de ne pas exécuter John Brown, qui avait mené une insurrection justement en solidarité avec les esclaves aux États-Unis. Je crois que le monde entier est concerné par le racisme. D'abord parce que c'est une construction du monde. La première mondialisation, c'est vraiment la traite négrière et l'esclavage. Le commerce triangulaire entre le continent européen, le continent africain et les Amériques, les Caraïbes, mais également l'océan Indien. Et puis, assez rapidement, avec l'Asie aussi, avec les travailleurs qu'on disait coulis à l'époque, donc les travailleurs indiens que l'on faisait venir, mais chinois également pour l'agriculture. Donc, c'est une mondialisation. Et le racisme prend naissance à ce moment-là. Il prend naissance dans la traite négrière et l'esclavage. C'est-à-dire que pour justifier un système économique qui transforme des êtres humains en marchandises, il fallait donner une explication. Il fallait faire accepter l'idée que on pouvait faire ce commerce d'êtres humains. C'est là que fleurissent toute une série de théories. Alors évidemment, on connaît l'œuvre du comte de Gobineau sur la hiérarchie des races. On connaît un peu moins les premiers travaux d'Ernest Renan, par exemple, hein, qui dit qu'il y a quand même une répartition naturelle des missions et des fonctions des différentes races. Mais donc, c'est vraiment une construction humaine, le racisme. C'est une construction humaine ancrée dans un système économique d'exploitation, de commerce, d'oppression. Il faut donc déconstruire au sens de Derrida, c'est-à-dire il faut remonter pour savoir comment ça a été fait de façon à le défaire. Et il est inacceptable aujourd'hui, compte tenu de tout ce que nous savons, compte tenu de la circulation des informations, la circulation des connaissances, compte tenu de tout ce que les cultures nous ont enseigné, compte tenu de tout ce que les anthropologues, les sociologues, même les ethnologues nous ont appris, nous ont transmis, de l'égale dignité des cultures, de différences qu'il y a dans différentes cultures, de choses qui ne sont pas, et là je pense à l'anthropologie, de choses qui ne sont pas acceptables dans certaines cultures. Parce que, justement, du point de vue de l'être humain, de la dignité humaine, elles ne sont pas acceptables, donc elles sont critiquables. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille jeter à la fois la culture tout entière et le peuple. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter dans certaines cultures. Donc, nous savons tout ça. Comment sachant tout ça, avec le monde qui, de toute façon, est de plus en plus manifestement pluriel, parce que c'est le produit de l'histoire, parce que les empires coloniaux ont produit des sociétés plurielles, ont produit des génocides déjà, amérindiens notamment dans les Amériques, mais aussi la destruction de cultures entières, donc des ethnocides, mais les empires coloniaux ont produit aussi l'irruption, l'émergence d'identités collectives nouvelles. Sachant tout ça, sachant cette pluralité, sachant cette capacité que les êtres humains ont, entrant en contact, à inventer des langues, à construire des architectures culturelles, à inventer des cosmogonies, à inventer des explications de l'univers, à inventer des religions nouvelles, etc. Sachant tout ça, comment peut-on encore être raciste ? C'est un délit, il doit être puni par la loi. Vous êtes une ancienne ministre de la Justice, vous constatez une résurgence du racisme, vous constatez non seulement en Europe, dans notre propre pays, sans parler des événements tragiques qui ont émaillé toute l'année précédente aux États-Unis. Oui, oui, bien sûr, mais ici, aux États-Unis, ailleurs aussi. Donc comment l'expliquer ? Malgré, justement, la circulation des informations, le fait que de plus en plus de personnes aillent à l'école, ça n'y fait rien. Oui, mais moi, je ne vais pas expliquer le racisme. Je refuse d'expliquer à quelqu'un que... D'abord, on le dit dans la loi ici. Hein, non, mais vous avez écrit un très bon bouquin qui s'appelle « L'esclavage raconté à ma fille ». Où j'explique effectivement la source du racisme. Les sources et les racines de la construction du racisme. Bien sûr. Ce qu'on peut expliquer, c'est que il y a effectivement des représentations qui ont la vie dure. Ça, on peut l'expliquer, effectivement, parce qu'il faut savoir, ici, par exemple, en France, il faut savoir qu'il y a juste un siècle, il y avait encore des zoos humains, c'est-à-dire qu'on exposait des personnes qui venaient des colonies et qui étaient présentées à côté de zoos, donc d'animaux, donc voilà, et des personnes qu'on regardait comme des curiosités, qu'il y a eu toute une expression de presse aussi qui a consolidé des schémas et des représentations. Il faut savoir que toute une série de disciplines, y compris pseudo-scientifiques, ont aussi fourni des éléments permettant de croire qu'il pouvait y avoir une hiérarchie entre les différentes catégories d'êtres humains. Il y a des discussions philosophiques, il y a des tas de choses. Donc, on peut expliquer qu'il y a la force des représentations et on doit expliquer aux uns et aux autres ce que c'est que la diversité du monde. Et c'est vrai que les systèmes d'éducation dans toutes nos écoles, à tous les niveaux, doivent contribuer de façon efficace à expliquer la diversité du monde. Oui, mais d'accord, Christiane Taubira, mais c'est quand même une petite fille qui vous a proféré des insultes racistes en vous regardant droit dans les yeux. Cette petite fille, elle allait à l'école, donc elle a répété un discours qu'elle a dû entendre par des personnes probablement adultes. Probablement davantage dans sa famille qu'à l'école. Mais... Et vous dites dans un de vos ouvrages qu'après avoir subi ces insultes racistes qui ne vous ont rien fait, parce que vous racontez dans un de vos livres que de toutes les façons les insultes racistes, votre mère en avait eu, votre grand-mère en avait eu, vous en avez eu depuis que vous êtes toute petite, mais qu'au fond, quelques mois plus tard, vous êtes écroulée et que ça vous avait véritablement atteint. Oui, j'avoue que pour moi, c'est une surprise. Donc, je disais ce que je disais intellectuellement, je l'ai compris d'une certaine façon sensitivement. C'est-à-dire que je disais avant cela, lorsque j'étais absolument persuadée que j'étais totalement indifférente à tout cela, je disais, mais ce qui compte, c'est ma personne, parce que moi, j'ai la force pour affronter cela. Ce qui compte, c'est les dégâts que cela peut faire chez des personnes qui sont plus vulnérables et qu'on ne doit pas laisser passer cela. Et je suis persuadée qu'il faut être sévère dans la sanction du racisme. Je suis absolument persuadée de ça et je l'ai dit à 1000 reprises, il faut sanctionner. Il faut expliquer, il faut enseigner, il faut donner aux gens des éléments de compréhension, mais il faut sanctionner. Et c'est vrai. Alors pour cette petite fille, moi, j'ai aujourd'hui encore, j'ai surtout de la peine pour elle parce qu'elle va grandir, que les années vont passer et qu'elle va réaliser ce qu'elle a fait. Alors si elle se trouve ça très bien dans 20 ans, c'est triste pour elle aussi. Mais si en grandissant, dans 4, 5 ans, 8 ans, 10 ans, elle se rend compte que c'est juste odieux ce qu'elle a fait, voilà, moi ça me rend triste pour elle. Maintenant oui, je me suis rendu compte que ça vous travaille à l'intérieur. Moi je n'ai pas de doute sur mon appartenance à la famille humaine. Je peux prendre de haut les insultes racistes. Sur le moment, je les prends de haut, sans aucune difficulté, parce que je ne me pose pas de questions sur moi-même. Je sais qui je suis, et je connais trop l'histoire de l'humanité pour que la parole d'un imbécile qui me traite de guenon éventuellement puisse avoir du poids. Ça ne peut pas avoir de poids. Mais lorsque je me suis retrouvée effectivement à écrire, parce que sur sollicitations multiples, j'ai fini par écrire sur cette expérience, je me suis rendu compte à quel point ça vous attaque à l'intérieur. Alors je me suis dit, moi qui suis si forte, moi qui n'ai pas de doute sur mon appartenance à la famille humaine, moi qui n'ai pas de difficultés matérielles particulières, moi j'ai souvenir d'avoir cherché du logement, d'avoir su qu'un logement était disponible et de ne pas l'avoir eu. Donc je sais que tout ça c'est de la discrimination. Donc je sais tout ça, mais j'ai eu des insultes racistes quand j'étais étudiante. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir souffert. Donc, j'ai affronté tout ça. Je marche dans la vie avec assurance. Je livre des batailles. Je conduis ma vie comme je l'entends. Je maîtrise ma vie. Je fais ce que j'estime juste. Je le fais bien. Et je suis contente. Et je chante. Et je ris. Et je vais au spectacle. Et j'aime les gens. Et je touche les gens. Et j'embrasse les gens. Et voilà. Et je sais que l'avenir m'appartient. Et bon, voilà. J'ai réussi mes enfants. Mes enfants sont des gens heureux. Voilà. Et pourtant, quand j'écris ce livre, je me rends compte que, à l'intérieur, il y a des trucs. Donc, voilà. J'avais compris intellectuellement que c'était dévastateur sur les autres. J'ai compris sensitivement. Vraiment. Que c'est dévastateur et qu'on ne peut vraiment pas laisser passer. On ne peut vraiment pas laisser passer. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je dis d'ailleurs dans le même livre que le racisme est un altéricide. Il tue l'altérité. Il tue l'autre symboliquement. Il tue l'autre symboliquement. Il exclut. Donc c'est intolérable, on ne doit pas laisser passer. Vous écoutez L'Heure Bleue, ce soir avec Christiane Taubira, qui a choisi Paris Canaille, Léo Ferré, Catherine Sauvage. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galantes accordéons, ça fait pas de honte, mais c'est si bon, tes gigolos, tes déshabillés sous le métro de la Bastille, pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin de lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille, et c'est si bon. Dédé Lacroix, bébert d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames seront une raison à ce fond bigame, et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant, pour la chronique, traction avant, pour la tactique, un petit coup sec, dans le diapason, range tes copecs, allons, sinon t'es bon. Alala, une, alala, deux, file-moi, trois, je te verrai mieux, la toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Alala, d'air, alala, rien, t'es un gangster, à la mie de pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois, tu seras peut-être bon. Paris, je prends, au cœur de pierre, un compte courant, des belles manières, un coup de chapeau, à l'occasion, il faut ce qu'il faut, et c'est si bon. des sociétés très anonymes, un député que l'on estime un petit mannequin en confection. C'est Paul Besmin, mais c'est si bon. Passe la monnaie, v'là du clinquant, un coup de rabais, un gentleman, un carnet de chèques sans provision. Faut faire avec, mais c'est si bon. Un petit faubourg Saint-Honoré, trois petits fours et je m'en vais. Surprise partie, surprise restons, on est surpris, mais c'est si bon. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y'a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous des ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion, y'a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'environnement. C'est laborieux, mais c'est si bon. Paris flon-flon, t'as l'âme en fête, et des millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon. Pourquoi avoir choisi olé. Cette olé? Oui, on a envie de danser en écoutant cette chanson. Pourquoi vous l'avez choisie, Christiane Taubira? D'abord parce que j'aime beaucoup Léo Ferré, j'aime beaucoup Catherine Sauvage, que je trouve que c'est une très belle chanson, ça rend hommage à Paris, un Paris que je n'ai pas connu, mais un Paris que j'ai connu à travers la littérature de Zola, la littérature d'Hugo aussi, bien entendu. Donc voilà, je trouve que, en particulier cette semaine, voilà, chanter Paris, voilà, dire ce charme absolument inégalable que Paris a, les Parisiens, les Français, c'est voilà cette espèce de d'alchimie vraiment complètement surprenante et ébouriffante qui fait l'identité toute particulière de Paris. Voilà, c'est une très bonne nouvelle que le Bataclan rouvre ses portes. Absolument, absolument. La vie vint, toujours. La vie qui vint. Alors vous savez, Christiane Taubira, dans cette émission, on demande à une personne qui connaît bien l'itinéraire et le parcours de notre invité de s'exprimer. Nous avons demandé à la très grande historienne de l'histoire des femmes, Michèle Perrot, qui depuis maintenant plus de 50 ans essaye d'ausculter l'histoire, voilà, à la fois l'histoire ouvrière, l'histoire personnelle des femmes dont on parle très peu. On parle des reines et des courtisanes, mais elle, ce qui l'intéresse, c'est les femmes militantes, notamment du 19e siècle, et puis c'est aussi une très grande spécialiste de George Sand. Nous lui avons demandé ce qu'elle pensait de vous. Écoutez, Michèle Perrot. J'ai beaucoup d'admiration pour Christiane Taubira parce que c'est une femme de conviction, une femme d'action et une femme de réflexion. Une femme de conviction, je crois qu'elle l'a montré tout au cours de sa carrière, où elle s'est beaucoup battue d'abord pour la Guyane, contre l'esclavage. C'est elle qui a fait voter la loi sur la mémoire de l'esclavage en quelque sorte, et tout au cours de sa carrière, enfin, récemment encore, elle s'est élevée contre le retrait de nationalité. Hein. Ça a été même pour elle une cause de conflit très importante. Et puis, c'est une femme d'engagement, mais c'est aussi une femme de réflexion. D'abord, elle a fait des études importantes hein, en économie, en ethnologie. C'est une femme très cultivée. J'admire beaucoup à la fois la manière dont elle parle et cette extraordinaire mémoire qui fait qu'elle connaît des quantité de poésie par cœur. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Et puis, dans son action, comme ministre de la Justice, elle a toujours pensé que la prison n'était pas la seule solution pénale. Elle n'est pas naïve, elle ne supprime pas les prisons, c'est pas du tout ça. Mais elle pense que la prison n'est pas la bonne solution. Et par conséquent, elle a cherché à trouver toujours des peines alternatives, notamment pour les jeunes. Des choses qui laissent de l'espoir aux détenus, qui sont difficiles à entendre parfois pour l'opinion, mais je crois qu'elle a eu raison. Et puis elle s'est battue aussi pour les problèmes de civilisation, en quelque sorte. Par exemple, le mariage pour tous. Elle a été la porteuse de cette loi. Pas facile en France, hein, du tout. On l'a vu avec les manifestations hostiles, etc. etc. Elle a tenu bon avec beaucoup de sérénité. Et je crois que maintenant, on se rend compte que, ben, elle avait raison. Car de plus en plus de gens qui étaient même un peu hésitants dans l'opinion considèrent que c'est une chose tout à fait normale. Par conséquent, c'est soulageant pour une société beaucoup plus détendue. J'admire par conséquent cette femme. Et j'admire aussi, elle se proclame pas féministe, hein, mais elle l'est. Elle l'est, d'abord elle est une femme qui accède à une position de pouvoir très importante, sans rien abdiquer de sa condition de femme, de mère, et de son apparence aussi. C'est toujours une femme très soignée, très bien habillée, très belle. Hein. Et je trouve que avoir su réunir toutes ces qualités avec les difficultés qu'elle rencontrait, puisque c'est une femme de couleur, comme disent certains, et chacun sait combien on le lui a rappelé, hein, au moment notamment des questions du mariage pour tous. Elle a une espèce de force tranquille, comme aurait dit Mitterrand. Je crois que c'est une très belle personnalité, une très belle personne, que je salue. Nous savons que nous savons bâtir ensemble. Nous savons que nous n'avons rien pris à personne. Nous nous sommes interrogés lorsque les premières interrogations se sont exprimées dans la société. Nous nous sommes demandé si nos convictions suffisaient. Et puis, nous avons écouté attentivement les inquiétudes, les protestations des opposants. Nous nous sommes efforcés d'y répondre lucidement, franchement, clairement, en les renvoyant au texte. Nous nous sommes demandé ce qui était le plus précieux pour les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales. Nous savons que c'est d'abord le lien biologique et nous savons que nous n'y avons pas touché. Nous savons que les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales sont très attachés à la présomption de paternité. Nous n'y avons pas touché. Par contre, nous avons amélioré l'exercice de l'autorité parentale. Nous avons facilité le partage de l'autorité parentale. Nous avons protégé des milliers d'enfants. Nous avons fait en sorte que puisse être maintenu le lien avec un parent en cas de séparation conflictuelle, y compris hors mariage. Nous savons donc que nous n'avons rien ôté à personne et qu'au contraire, par ce texte de loi, nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré. Eh bien, merci pour tout ça, Christiane Taubira. Il reste beaucoup de questions. Certaines sont posées par Michel Perrault elle-même. Êtes-vous féministe? J'ai été très étonnée de voir que, au mois de mai dernier, quand des 16 ex-ministres ont fait circuler ce texte en disant « Nous ne nous tairons plus », à la suite de la sinistre affaire Baupin, vous n'avez pas, c'était des femmes de droite comme de gauche, vous n'avez pas mis votre signature. Pourquoi? Vous n'avez jamais été harcelé dans l'enceinte des assemblées politiques pendant lesquelles vous avez œuvré depuis plusieurs décennies maintenant? D'abord, quelques mots pour dire mon émotion profonde aux mots de Michel Perrault, parce qu'un hommage d'une telle générosité de la part de Michel Perrault me touche profondément, mais vraiment profondément, parce que Michel Perrault, par ses travaux, a contribué à éveiller ma conscience, a élargi mes horizons, a approfondi aussi des intuitions que je portais en moi, m'a aidé à les entendre et à les comprendre. Et j'ai eu le bonheur de la rencontrer et je sais qu'elle est une belle personne. Je sais qu'elle est une belle personne. Et que tout ce qu'elle nous a transmis, tout ce qu'elle nous a appris, a été possible parce qu'elle a mis de la sensibilité dans de l'intelligence. Donc vraiment, je suis très très touchée par ces mots. Ensuite, je n'ai pas besoin d'être concernée par des méfaits pour les reconnaître méfaits et les contester et les disputer. J'allais presque vous dire, mais moi j'ai tout subi, mais même si je n'avais rien subi, je suis concernée par la situation des personnes. Simplement, j'ai un principe, je ne signe pas de pétition. Je peux faire une tribune, je peux envoyer un mot de soutien, mais c'est un principe parce que ça n'était plus possible. Ou bien on signe une pétition tous les matins. Donc, j'ai pris le principe très clair de ne pas en signer. J'ai quand même de nombreuses références avant même cette pétition. Je crois qu'il n'y a pas de doute sur mes positionnements, mais je suis extrêmement préoccupée par les inégalités qui perdurent entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles, mais en même temps, je suis aussi consciente... Vous avez vu l'initiative de ce nouveau mouvement féministe, Les Glorieuses, absolument, cette semaine, qui continue, à mon avis, à juste titre, elles à revendiquer l'égalité salariale. Oui, les femmes sont très inventives et il nous reste des combats à mener, il reste des batailles à livrer et nous devons les livrer. Nous devons les livrer. Alors nous les livrons sous des formes différentes. Il y a la pétition, il y a la manifestation, il y a la littérature, il y a les arts, il y a le fait de s'imposer aussi dans des domaines. Et il y a des femmes qui font ça de façon absolument merveilleuse. Et lorsque les hommes qui détiennent les rênes du pouvoir ne voient pas les femmes, bon, c'est l'année dernière qu'il y a eu des contestations à Angoulême, par exemple, je crois, hein, oui, sur la bande dessinée. Donc, ben voilà, on fait du bruit, on rappelle que voilà, l'humanité, c'est nous tous ensemble. Donc vous ne pouvez pas décider que vous évacuez la moitié de l'humanité, même un peu plus de la moitié parce que nous sommes plus de 51%. Vous dites aussi, Christiane Taubira, que vous aimez beaucoup la politique, donc vous allez peut-être continuer à en faire. Certains disent que vous êtes peut-être responsable d'une division de la gauche quand vous avez décidé de vous présenter aux élections présidentielles en 2002. Que pensez-vous de cette accusation ? Vous avez réuni, je crois, 700 000 voix. 32% des voix, oui. Et donc, mais 52,7 en Guyane. Donc, par 700 exemple, 000 voix. Est-ce aux Antilles, c'était on voit bien que la gauche, on voit bien que la gauche est divisée. On voit bien que la droite l'est aussi. Elle va vivre ses primaires. Que pensez-vous de cette dispersion des voix de gauche ? Alors déjà, l'accusation, c'est une idiotie totale. Et c'est une idiotie que nous payons cher aujourd'hui encore. Parce qu'il y avait des questions à se poser. Au lieu de trouver un bouc émissaire, et manifestement, j'ai la tête qu'il faut pour le bouc émissaire. Parce qu'il y avait quand même 4 ou 5 candidats à gauche, hein. Mais enfin, il y en a une seule qui, 15 ans après, est encore responsable. Il y avait Chevènement aussi qui s'est présenté, n'oublions pas. Et qui avait déclaré que pour battre Chirac, il lui faut d'abord battre Jospin. Moi, je n'ai jamais tenu des propos de cette nature. J'étais totalement loyale à la totalité de la législature, alors que j'étais en conflit à l'intérieur de la législature. J'étais en conflit à l'intérieur du groupe. Décidément, vous aimez bien être dedans, tout en étant dehors, je tout en restant dedans, loyale. Jusqu'au moment où vous sortez dehors. Oui, je me bats à l'intérieur, je me bats en totale loyauté. Mais la loyauté, elle va au-delà du groupe auquel on appartient. La loyauté, elle va vis-à-vis des citoyens. Moi, la politique, la raison d'être de la politique, c'est de servir. C'est de servir les citoyens. Donc évidemment, nous le faisons ensemble. Et nous avons des liens d'amitié, nous avons des liens de solidarité. Nous menons des combats communs. Mais lorsqu'il y a des déviations... Mais vous nous manquez en politique, alors vous allez retourner ou pas ? Lorsqu'il y a des déviations sur ces combats... Alors moi, je ne suis pas responsable de l'échec de 2002. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mélasse parce que justement, on n'a pas tiré mélasse, les leçons. Mélasse, c'est un beau mot. C'est un joli mot. Nous n'avons pas tiré... Certains n'ont pas tiré les leçons parce que s'est-il passé en 2002 quand même ? Nous avons un Premier ministre qui a un bilan de très grande qualité. De très grande qualité. Il a assaini les comptes publics. Il a réduit le chômage. Il a ramené la croissance. Mais un jour, on lui reconnaîtra. Mais je crois que c'est su. Il avait des atouts incontestables. Il avait une très belle équipe. Une très belle équipe. Le gouvernement était fait de très belles personnalités. Il a de grandes qualités morales. Pourquoi cet échec ? Pourquoi cet échec ? Que s'est-il passé en 2002 ? Et si on ne tire pas enseignement politique de cela, on va continuer à bon, on risque... Bon, voilà. Quoi, voilà ? Voilà. Non, mais voilà. Donc, vous aimez non, bien la, les mots, la politique, il faut la aller politique, jusqu'au bout. Oui, mais je les cherche parfois. Je les cherche parfois. J'essaie de les agripper. Puis vous connaissez les mots, hein ? Ils s'échappent, ils dansent, ils sautent, ils courent, ils passent derrière vous. Bon, voilà. Et puis, bon, vous vous baissez, vous accroupissez, vous les rattrapez. Donc, alors, voilà. C'est vrai la politique, que vous constituez un parti ? Moi, non, pas du tout. C'est ce qu'on dit dans la presse. On n'a pas besoin de partis, on n'a pas besoin de nouveaux partis. On a besoin que les partis se retrouvent, que les partis se rappellent qu'ils sont les structures démocratiques de base. Non, mais une présidente, Il n'y a pas beaucoup de femmes, là, dans l'arène politique, que ah ça non, soit hélas. À droite ou à gauche. C'est bien pour ça que j'en ça va si pas mal. J'en vois pas beaucoup. C'est il y a bien une pour KM. Ça que ça va si mal. Donc l'avenir de la politique, c'est la femme. Oui. On peut paraphraser Aragon, oui. Vous savez, les femmes, nous avons, non pas génétiquement, mais culturellement et historiquement, un rapport au pouvoir, un rapport à la société, un rapport au monde qui est différent de celui des hommes. Pour la simple raison que nous portons consciemment ou inconsciemment, nous portons une longue histoire d'oppression, une longue histoire de domination, une longue histoire d'exclusion, une longue histoire de discrimination, une histoire de rejet par un fait de nature. Vous êtes femme, vous n'avez pas les compétences pour faire ça. Vous êtes femme, vous n'avez pas le droit d'être là. Nous portons ça en nous, consciemment ou inconsciemment. Donc notre rapport au pouvoir, notre rapport aux gens, notre rapport au monde est différent. Donc lorsque nous sommes dans un lieu, dans un métier, dans un lieu de pouvoir, nous apportons une culture particulière. Nous apportons une relation particulière, différente. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver des femmes qui se comportent comme des hommes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver des hommes qui aient aussi ce rapport d'attention, d'empathie, de souci de l'intérêt général, évidemment. Mais l'humanité ne peut pas fonctionner en s'amputant de la moitié de sa réalité, de ses capacités. Donc vous étiez pro-Hillary. Ah non, mais non, mais justement, je suis contre le déterminisme. Donc la qualité de femme, je ne peux pas dire qu'on a exclu les femmes pendant des siècles sur un fait de nature, être femme, et moi considérer que le fait d'être femme vaut tout le reste. Hillary Clinton a d'autres qualités. Évidemment, le fait qu'elle accède à la présidence des États-Unis, cela a un effet puissant sur l'imaginaire des petites filles, des adolescentes, sur les représentations des hommes, sur toute une série d'archaïsmes. Le fait d'être femme va avoir cet effet-là. Mais il ne lui suffit pas d'être femme pour être qualifiée pour prendre les rênes d'une des plus grandes puissances du monde. And I love this country. Thank you. Thank you very much. Pour moi, cette élection est une mauvaise nouvelle pour les femmes aux États-Unis, pour les pauvres aussi qui ont besoin de solidarité, pour les étrangers qui travaillent loyalement aux États-Unis. C'est une mauvaise nouvelle pour le monde, pour la planète aussi. Évidemment, la démocratie américaine est une démocratie solide, donc il ne pourra pas mettre en œuvre toutes les inepties, toutes les extravagances, toutes les horreurs, toutes les monstruosités qu'il a dites pendant sa campagne, d'une grande violence, d'une grossièreté, d'une vulgarité sans pareil, d'un sexisme agressif. Donc il sera limité dans ses moyens d'action, mais il a soulevé des choses tellement abjectes pendant la campagne que quoi qu'il fasse lui-même, il restera des traces malheureusement. Je croquais la vie avec une insoutenable légèreté, étrangère à l'angoisse, à mille millions de lieues d'imaginer que le malheur perfide, indisposé par la grâce que confère l'innocence, guette les moments de grande frivolité pour vous frapper en ricanant, un arrachement fasciné. C'est ce que fut la mort de maman, arrachement dans l'instant. C'est ce que vous écrivez, Christiane Taubira, dans ce beau livre qui s'intitule « Rendez-vous avec la République ». Votre mère, on a commencé cette émission en parlant d'elle, je crois que vous y pensez très souvent. Elle continue à être votre modèle. C'est un soleil levant. Elle est juste éblouissante. Elle est juste éblouissante. Je n'ai pas vécu très longtemps avec elle, malheureusement. Ces années, c'est juste inépuisable. C'est inépuisable. En souvenir, en enseignement, en modèle, en référence, c'est juste inépuisable. Oui, c'est mon soleil levant. Ben, vous êtes aussi indispensable à notre vie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la marraine d'une manifestation très importante, annuelle, qui s'intitule « Un état du monde et du cinéma ». C'est au Forum des images à Paris, qui commence le 18 et qui continuera jusqu'au 27 novembre. Évidemment, il s'agira de voir des très beaux films de tous les horizons cinématographiques, géographiques, des livres qui parlent de liberté, de dignité, de respect. Vous retrouverez la programmation de ce très beau festival sur notre site. C'est une très très belle aventure, extraordinairement stimulante. Je suis profondément heureuse d'être la marraine de cet événement. Merci, merci Christiane Taubira. Vous avez écouté durant cette émission Grégory Porter, Léo Ferré, Catherine Sauvage, grâce à Christiane Taubira. Merci à Thierry Dupin, à Laurent Thomas qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royer et Anne-Sophie Dazard, avec à la technique comme presque tous les soirs de cette semaine, Anne-Laure Cochet.